Zango. Zango le dozo. Zango le dozo. Zango le dozo. Jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. Moi je n'ai pas de temps à perdre avec vos jalousies. Jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. J'tourne comme un loup-garou dans la bergerie. Sadja, sadja, sadja, sadja, sadja. Sadja, sadja, sadja, comme un fanoucha. Est-ce que vraiment, vraiment tu ressens ma haine, bitch? Est-ce que tu me mens quand tu me dis que tu m'aimes? Le frigo est vide dès le début du mois. Comment je dois faire? Tous les refrains comptent sur moi. Je suis noir, graine de café, cacao. Quoi? Gradé comme le commandant Watao. Ouais. Famille nombreuse, je suis pris dans la nébuleuse. Je suis les cuisses de la stripteaseuse ou la voiture ouvreuse. Fais des sous, nique tout, mais devant la dame, tu fermes ta gueule. Surtout si comme moi, elle t'a élevé seule. L'Ilias dépasse de ma poche comme le iPhone 6 Plus. Arrête de me dire je t'aime et c'est. Je crois en l'alpha et en l'oméga. Tu mens depuis le début, je t'aimécras. Tu me tapes dans le dos avec la griffe de Vega. Jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. Moi je n'ai pas de temps à perdre avec vos jalousies. Jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. J'tourne comme un loup-garou dans la bergerie. Sadja, sadja, sadja, sadja, sadja. Sadja, sadja, sadja, comme un fanoucha. Est-ce que vraiment, vraiment tu ressens ma haine, bitch? Est-ce que tu me mens quand tu me dis que tu m'aimes? On veut la belle vie, mettre bien la famille, je vais pas tout énumérer. Non, on veut les peu salés, dollars, la villa et des filles rémunérées. Pour l'instant je compte mon putain dans le 93. Pour l'instant je les baisse dans le Formula, bientôt sera au Martinez. J'claque des mille, faut que je fasse du chiffre. Le savoir est une arme, j'ouvre le feu mais pas leur livre. Je leur mets gentiment, Franck Dux, Dux. Les garçons n'ont pas de sentiments, ils ont des muscles. Y'a que les montagnes qui ne se croisent pas, mais j'ai cru voir ta sale grosse paire de fesses qui se frotte du matin au soir. Le son du giro me donne la migraine, me donne la migraine. Faut que la juge elle a la techa plus mouillée que celle d'une sirène. Biatch hey. Jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. Moi je n'ai pas de temps à perdre avec vos jalousies. Non. Jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. J'tourne comme un loup-garou dans la bergerie. Sadja, sadja, sadja, sadja, sadja. Sadja, sadja, sadja, comme un fanoucha. Est-ce que vraiment, vraiment tu ressens ma haine, bitch? Est-ce que tu me mens quand tu me dis que tu m'aimes, bitch?